Su Wang-hwan, chercheur supérieur de l'Institut de désarmement et de paix du ministère coréen des Affaires étrangères, a publié le 10 novembre un commentaire titré « Effronterie pour tromper l'opinion mondiale ». Il a écrit « Selon la presse sud-coréenne, Park Geun-hye a exprimé son refus de participer à la 24e conférence au sommet du Forum de coopération économique en Asie-Pacifique prévue à Lima, Pérou, du 18 au 19 novembre ». Le 8 novembre, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a prétendu que la présidente avait décidé déjà en septembre de ne pas participer à la conférence au sommet, tenant compte de la gravité de la situation de sécurité dans la péninsule coréenne, surtout le cinquième essai nucléaire du Nord. « Nous n'avons aucun intérêt à la participation ou à l'absence de Park Geun-hye, mais nous ne pouvons rester muets devant les fantoches qui nous prétextent pour en expliquer la cause. » Park Geun-hye ne peut pas participer à la conférence puisque la Corée du Sud est troublée par le grand scandale. Même si elle se présente à la réunion, aucun n'aura affaire à la présidente en état végétatif, dont la cote de popularité n'atteint que 5% et qui est obligée de se soumettre à l'enquête du parquet. Malgré cela, Park Geun-hye tente de nous prétexter pour expliquer la raison de son absence à la réunion internationale. C'est un délire des aliénés que tout homme normal ne peut comprendre. À présent, tous les milieux sud-coréens posent cette question : est-ce un pays face à la situation intérieure lamentable ? Une telle question mérite d'être posée uniquement en Corée du Sud, où tout est anormal en réalité sur le plan intérieur et extérieur. L'explication incohérente des fantoches révèle que les déclarations de Park Geun-hye et des autorités sud-coréennes sur la scène internationale et leurs promesses avec les autres pays sont les sophismes basés sur l'arbitraire éloigné d'un sens politique élémentaire et l'hypocrisie dépourvue de la vérité. Les fantoches sud-coréens doivent cesser d'accuser les gens honnêtes et renoncer immédiatement à tromper l'opinion mondiale de façon impudente.